À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le meeting de souvenir des matelots du navire taïwanais Changhong-un s'est déroulé le 11 courant au port de Nampo. Au rendez-vous est exposé les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les orateurs ont indiqué que le président Kim Il-sung s'est consacré entièrement pour le progrès du pays, le bonheur du peuple et l'émancipation du monde jusqu'au dernier moment de sa vie et souligné qu'il est le plus grand homme du monde. Les participants au meeting ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.